On est libre aux yeux du père, et personne ne pourra nous dire le contraire. Mais on est bien dans la lumière, nos idées deviennent plus claires. Certains nous disent qu'il est impossible de le faire. Je garde espoir pour qu'on puisse sortir de l'enfer. L'humanité saura le faire, en tout cas je l'espère. Armageddon, se multiplient les bombes. C'est ce qui se passe quand il y a de mauvaises ondes. Libre choix, mais la discipline s'impose pour faire face aux dangers auxquels on s'expose. Judgment, comme les hommes agissent comme des clones. Sont-ils tous contrôlés par Babylone? Ont-ils tous des cornes? Où vont-ils des cornes? Les années passent et rien ne change. Pour le destin en main et suivant le chemin. Les années passent et rien ne change. Pour le destin en main et suivant le chemin. Soldats, j'ai choisi l'unité où y'a pu s'avancer. Mais c'est bien que y'a pu faire ou pu ralentir les enfers qui cabine cité. Plus fort, c'est ça nous commander. Pour toute people qui a cru en bon Dieu. Les baisers en l'air, payons tes prières. Pour ceux-là qui ont douleur. Well, massive and cool. Colony plus love pour le monde qui a tout à nous. Ayanaï, c'est force. Ayanaï, c'est courage. Ayanaï, c'est respect avec mon l'homme. Aïe, Dieu, ça. Et fais-y comprendre ça.